Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par At-Tur. Wa-kitabin mastur. Et par un livre écrit. Fi raqqin manshur. Sur un parchemin déployé. Wal-baytil ma'mur. Et par la maison peuplée. Was-saqfil marfu'. Et par la voûte élevée. Wal-bahril masjur. Et par la mer portée à ébullition au jour dernier. Inna 'adhaba rabbika lawaqi'. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Ma lahu min dafi'. Nul ne pourra le repousser. Yawma tamuru as-sama'u mawra. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. Wa tasiru al-jibalu sayra. Et les montagnes se mettront en marche. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. Ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles. يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie ? Ou bien ne voyez-vous pas clair? Islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Brûlez dedans. Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez. إن المتقين في جنات ونعيم. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Accoudés sur des lits bien rangés. Et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Là, ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samoum. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Antérieurement, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. Ou bien ils disent, il l'a inventé lui-même. Non, mais ils ne croient pas. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Eh bien qu'ils produisent un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux les maîtres souverains? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Ont-ils une échelle d'où ils écoutent? Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. أم له البنات ولكم البنون. Allah aurait-il les filles tandis que vous les fils? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Ou leur demandes-tu un salaire de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit ? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ Ou cherchent-ils un stratagème ? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Ou ont-ils une autre divinité à part Allah ? Qu'Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu'ils associent. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent « Ce sont des nuages superposés ». فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.